Ève de paix, Ève d'amour, joie inonde notre vie. Nous irons au mont Calvaire. Foi de Christ au mont Calvaire, nous irons là bientôt toujours. Foi de Christ au mont Calvaire, nous irons là bientôt toujours. La foi est œuvre de Christ, œuvre de paix, œuvre d'amour. Nous célébrons l'amour de Dieu pour rendre grâce dans notre temps. Foi de Christ au mont Calvaire, nous irons là bientôt. Œuvre du temps, nous ouvrons nos cœurs à Dieu pour rendre grâce à lui pour toujours. Foi de Christ au mont Calvaire, nous irons là bientôt toujours. Foi de Christ au mont Calvaire, nous irons là bientôt toujours.